Pour réussir ça relève de l'exploit, ici bas ça marche sans piston. Vite ta caisse, c'est ce que disent les caillards, mais d'un peu bon. Et j'ai beau avoir les cartes en main, dans mon horizon rien change, épargné par la chance. Mais papa se bâtarde d'agent, papa j'avance en solo et parfois en équipe. Et tu ressens le vécu véritable, le rap qui sort des tripes. Choc, frontal, inévitable, c'est nos Corleone sur le même titre. On évite les faux MC qui parlent de buzz, groupie et chiffre. Au lieu de roupiller, ben Ginov, innocent, présumé coupable. Tu compares la vie à un sinoche, tu risques de finir tout pâle. Renoir tout pas bigo, armé d'un big vénère au micro. En tout cas, j'envoie les casse garab, sale, non y'a pas. Si tu navigues sur les sentiers de l'illégal, bah démerde-toi pour avoir un petit taf à gauche, c'est l'idéal. Mais entre délit et vie misérable, ceux qui croient qu'on joue les gangsters, du rap t'inquiète, on sait qu'en parler, on sait qu'en se taire.